sous le soleil méditerranéen. Faustine, profitant d'un nouvel accompagnement pro juventut, quitte, sans état d'âme, une Suisse plongée dans la grisaille de novembre. Départ de la gare de Bâle dans la soirée, avec une arrivée à Nice le lendemain matin. Bâle, Genève, Lyon, Valence, Avignon, Marseille, Toulon, Cannes, et enfin Nice. À plat ventre sur la couchette du milieu, tête contre la vitre, elle guigne à travers les stores dans chaque gare traversée. Rien n'est plus fascinant qu'une gare la nuit. Dehors, des hommes, tout noirs, vérifient les tampons en tapant dessus, font ressortir de la vapeur dessous les roues, courent sur le ballast. Les lumières sont jaunes et diffuses, les cris étouffés. On entend des annonces dans le lointain, des coups de sifflet, des échos de toutes sortes. Faustine se jure que plus tard, elle ira vivre dans une gare. Avant d'entrer dans les ordres. Elle s'endort entre deux stations en se rêvant en train de tirer un chariot contenant toutes ses affaires. Elle aura un casier à consigne en guise d'armoire à vêtements, elle se lavera au lavabo public et passera d'une grande gare à une autre en faisant le tour du monde. Et pourquoi pas? On lui a assez dit, quand tu veux, tu peux. Au petit matin, elle est réveillée par leur entrée bruyante en gare de Marseille-Saint-Charles. Fin du parcours français de certains passagers. Le port de Marseille est très important. Il voit passer d'immenses cargos qui voguent en direction de l'Afrique, du canal de Suez et de la Turquie. Faustine, elle, continue vers Toulon. Et là, dès Saint-Raphaël, c'est le miracle. Un ciel extraordinaire. Lumineux, comme elle ne l'a encore jamais vu, et cette immense étendue d'eau en face d'elle, tantôt bleu indigo, tantôt turquoise, parfois verte, ou encore émeraude transparente, au cœur des calanques. À certains endroits, la voie de chemin de fer longe directement le bord de mer. Faustine pourrait presque toucher les pins accrochés aux rocs, surplombant de minuscules plages de sable fin. Plus loin, elle passe carrément entre les roches rouges du Luberon, qui forment une sorte de tunnel à ciel ouvert, débouchant sur des champs de lavande. Faustine admire les petits villages provençaux, tuiles rouges et murs ocre. Tout l'éblouit. Elle sursaute quand le contrôleur crie avec son bel accent « Nice, prochain arrêt! Prochain arrêt, Nice !» Sur le quai, papa, maman et Stéphane sont là. Ils lui ouvrent grand les bras. Après les embrassades, papa attrape la valise et tout le monde s'installe dans la Peugeot, direction Villefranche. En route, papa et maman font les honneurs de la ville à Faustine. On prend le chemin des écoliers, passant par la promenade des Anglais, longeant le vieux port, contournant le cap de Nice sous le mont Boron. Boulevard Maeterlinck, ses parents lui désignent la villa Les Hirondelles. Une belle maison tout en haut d'un éperon rocheux qu'ils ont habité les deux premiers mois avant de trouver le logis de Villefranche. On arrive enfin à celui-ci, situé entre la deuxième et la troisième corniche. Trois appartements en terrasse qui donnent à chaque locataire l'impression d'être autonome. Vue imprenable sur la mer et le cap Ferrat, tomettes et tuiles, ameublement sommaire dont les parents se contentent présentement. Ils ne veulent pas importer leurs propres meubles tant qu'ils n'ont pas trouvé de travail et ne sont pas définitivement installés. Faustine et Stéphane, ravis de se retrouver, partagent la chambre qui donne sur la terrasse. Dès que la valise est défaite et les petites affaires rangées, toute la famille se retrouve à la cuisine. La bonne nouvelle, c'est que Faustine est inscrite dans la même école que Stéphane, à un quart d'heure à pied à peine. La mauvaise, c'est qu'elle commence lundi. Mais aujourd'hui, on l'emmène dans un tour du propriétaire. La promenade est belle depuis chez eux jusqu'au centre-ville. Poursuivons vers le vieux port. Ils vont se balader sur la plage et déguster une glace au bord de la mer. Lundi, papa ira prospecter sur la côte en vue de trouver du travail. Les enfants seront à l'école et maman s'occupera de la maison. Elle ne peut pas encore porter d'objets lourds, mais elle se réjouit de la présence de Faustine qui l'aidera en l'absence de papa. La semaine prochaine, elles iront chercher la petite machine à laver Calor que maman a commandée. Lundi matin, Faustine intègre sa nouvelle classe. Ici, elle comprend parfaitement la langue. Et, hélas, aussi les insultes. Le professeur principal n'aime pas trop les estringer et le lui fait comprendre. Elle a intérêt à se tenir à carreau. Les autres élèves, filles et garçons, s'empressent de suivre l'exemple du professeur et rejettent la gamine immédiatement, d'autant plus que tous ont confondu Allemagne et Suisse alémanique quand elle a dit d'où elle venait, et ce malgré son patronyme à consonance italienne. Alors, après plusieurs rebuffades, la fillette reste dans son coin et se console comme elle peut en cherchant la compagnie de Stéphane dans la cour des petits. Le reste du temps, elle tente d'éviter les compas qui griffent à son passage, récupère et remet à leur place les encriers ouverts qu'on a introduits dans son cartable. Elle essaye de se concentrer sur les cours, puisqu'il s'agit avant tout d'apprendre. Elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. Et voilà qu'ici on enseigne le latin, chose qu'elle n'a jamais apprise de sa vie. L'adolescente peine sur « Rosa, Rosa, Rosam » avec un professeur qui ne comprend pas que l'Europe entière n'en connaisse pas les rudiments. Elle apprend aussi le dessin technique, une branche qu'elle apprécie beaucoup malgré son manque de précision, qui lui vaut d'autres reproches. S'astreint à ce travail minutieux, dessiner la coupe transversale d'une clé à molette, par exemple, l'oblige à se concentrer sur autre chose que ses malheurs, tout en lui vidant la tête. Les jours de congé, quand ils ne partent pas en exploration avec leurs parents, Stéphane et Faustine s'amusent au tir à l'arc derrière la maison, devant les grilles d'un vieil hôtel particulier dont papa a dit qu'il appartiendrait à une grande dame de la noblesse. Une princesse, Faustine rêve. Occasionnellement, ils fabriquent des dizaines d'avions de papier qu'ils lancent depuis leur terrasse en direction de la mer. Parfois, ils se disputent aussi. L'autre jour, il s'est passé un truc marrant. Maman, exaspérée par leurs cris, est venue main en l'air prête à gifler Faustine. Quand celle-ci, la regardant droit dans les yeux, lui a dit « Ah, mais j'ai déjà rêvé ça !» La main de maman est retombée aussitôt. Faustine a alors expliqué qu'il lui arrive de vivre des situations banales dans ses rêves. Pas des cauchemars, non, juste des scènes de la vie quotidienne qui lui donnent, quand elles se passent vraiment, une impression de déjà-vu. C'est arrivé si souvent qu'elle y est devenue attentive. Maman, impressionnée, a dit qu'il s'agit sans doute de rêves prémonitoires. Elle a souri et elle est repartie avec sa gifle sous le bras.